Voilà, eh bien, Cargo Culte rempile pour une vraie nouvelle saison. Bonjour à tous, heureux d'être avec vous. Cargo Culte, bon, vous n'êtes pas parti, hein, vous avez vu ces derniers temps, on avait quand même fait une très très chouette itinérance, comme ça, dans les routes de France. Je remercie les rencontres fortuites d'avoir organisé ça. Et puis, j'étais très heureux d'initier aussi un, et ce qui reviendra d'ailleurs, un Cargo Culte Unplugged, c'est-à-dire un Cargo Culte qui va chez l'habitant. Et celui-là était en pleine ruralité. Pour parler de Daniel Johnston, c'était il y a 2 semaines et c'était tout à fait cohérent finalement. Mais là, Cargo Culte revient à la maison, dans le studio, le home, le sweet home studio. Et ben, il faut bien ce confort-là pour parler du disque du jour, The Flowers of Romance par Peel Public Image Limited. Voilà, disque énorme. Disque énorme de 1981, disque... Vous savez que je dis énorme, j'ai tout dit, mais on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Et puis, bah, rappeler un peu l'époque et le contexte qui va avoir naître ce disque. Hein. Public Image Limited, ça c'est un secret pour personne, c'est le groupe de John Lydon. Et John Lydon, c'est Johnny Rotten, voilà. Tout comme il y avait Dr. Jekyll et Mr. Hyde, évidemment, il y a Dr. Lydon. Et Mr. Rotten. Là, Mr. Rotten précède John Lydon. Et sitôt le clash des Sex Pistols assumé, parce que finalement la carrière est extrêmement éphémère, Lydon va l'avoir de cesse que de créer finalement son propre groupe, Public Image Limited, qui va se distinguer alors pendant plusieurs années, mais qui va clairement se distinguer et pondre 3 chefs-d'œuvre à la suite, qui sont ses 3 premiers albums. First Issue, qui porte clairement son nom, hein, c'est en 1978, voilà, qui nous débarrasse totalement des oripeaux du punk, déjà d'emblée. Hein, John Lydon, il pose en façon gravure de mode, si vous voulez, à part qu'il a les pupilles extrêmement dilatées, il y a une typographie totalement énorme qui va recouvrir un petit peu, jouer comme ça des textes, une typographie super habile, et de facto va camper finalement des influences qui sont très différentes de ce rock teigneux et quepon qui avait pu définir les premiers pas des Pistols. Le chef-d'œuvre après Absolu, Metalbox. Metalbox, c'est un triple maxi 45 tours qui paraît juste un an après. Donc, 3 12 inches dans une boîte en métal. Cette boîte en métal qui reproduisait finalement quasiment à l'identique les boîtes de bobines de film. Quoi. Juste ensuite, 1981, le disque du jour, celui qu'on va camper avec délice, The Flowers of Romance, et qui lui va définitivement tourner le dos au punk. Parce que oui, finalement, autant les 2 premiers albums pouvaient s'inscrire dans une continuité. D'ailleurs, les punks vont s'y retrouver. Hein. Et Metalbox va d'ailleurs devenir le classique instantané hein, d'une époque. Hein. Quand ça sort en 1979, voilà, c'est tout de suite hein, un classique. Mettre au même niveau d'ailleurs qu'un No Pleasures de Joy Division, qui paraît en même temps, hein, la même année. Avec The Flower of Romance, il n'est pas question d'un classique instantané. C'est peut-être même un des disques qui va passer par une des phases de détestation les plus incroyables qu'il y ait pu avoir pour un disque de ce genre-là à l'époque. Moi, je dois même l'achat de ma première copie en 1982. Un punk breton totalement désœuvré, qui détestait ce disque, qui la nuit bourrée se prenait pour la réincarnation de Sid Vicious, et donc auprès de qui j'avais pu racheter à vil prix, pour probablement 5 francs au moins, cet album ô combien délicieux. Quel album ! Et alors, il est sibyllin, il est cryptique, ne serait-ce que dans sa pochette, déjà. La pochette n'a pas d'information, en tout cas la première édition. Par contre, ce qui apparaît, c'est un gros plan, c'est une femme en gros plan. Elle a un visage extrêmement maquillé, une allure un peu tribale, mi-sorcière, mi-tribale, la pupille extrêmement dilatée, on la sent empreinte d'une transe très forte. Cette femme n'est absolument pas du tout anodine, c'est Janet Leigh. Et Janet Leigh, dans l'entourage de Public Image Limited, est extrêmement importante. En fait, elle est un membre de Public Image Limited. Et allez savoir pourquoi, c'est le membre dont on ne parle jamais. Oui, c'est la femme. Donc on ne la mentionne pas. Alors c'est vrai qu'elle n'est pas au devant de la scène. elle est plutôt dans une forme d'organisation, elle est dans un concept artistique, elle est plus ou moins dans une forme de management. Janet Leigh, il faut savoir qu'elle va devenir bien plus tard la boss de l'organisation Rough Trade, donc à la fois label, magasin de disques avec pignon sur rue à Londres, bien connu. Et puisqu'on parle de Janet Leigh et qu'on parle de ce genre de stratégie, une espèce de business de la contre-culture, mais très bien assumé, Public Image Line Method illustre extrêmement bien ce concept d'un groupe entreprise, finalement. Avec une figure de proue, évidemment, à l'évidence, John Lydon, mais aussi des musiciens, un, super doués, et une forme d'organisation extrêmement subtile. Là encore, on est loin du punk, mais on est même aussi loin de l'amateurisme qu'a voulu camper Lydon et ses amis quand il disait dans des émissions de l'époque, qu'est-ce que vous allez faire avec l'argent que vous avez gagné ? Parce que Public Image de la méthode va cartonner, spécialement avec les deux premiers disques. Il disait, on va apprendre des leçons de musique. Croyez-moi qu'ils n'en ont pas besoin, les membres de Public Image de la méthode. Qui sont-ils, justement ? Il faut mentionner quelqu'un d'extrêmement important qui, hélas, va foutre le camp au tout début du Flower of Romance, mais je pense que son nom est un peu là, c'est Ja Webble. Ja Webble, c'est le bassiste. Et la basse de Public Image Line Method est pulsative à souhait, complètement nourrie de reggae. Hein. Ils sont tous shootés au dub à ce moment-là, en Angleterre, mais spécialement Lydon et ses amis, hein. Beaucoup plus qu'au rock et aux stridences du punk, finalement. Ça se retrouve omniprésent dans les basses de lourdes, mais sensuelles, lentes, vrombissantes, très basses, hein, spécialement des deux premiers albums de Public Image. L'autre personnage extrêmement important, je pense que c'est finalement le plus important du vaisseau Public Image Limited, c'est Keith Levine. Keith Levine, c'est le guitariste, mais ce n'est pas que ça. Lui, il est là dès le début. C'est plus qu'un guitariste, c'est un mentor. C'est quelqu'un qui va mettre la main à la pâte chez énormément de musiciens de l'époque, avant même d'ailleurs de cohabiter avec John Lydon et créer Peel. C'est en fait un musicien très doué, très doué, quasiment un virtuose. Ce qui forcément était complètement hérétique dans la génération punk. Ça ne se fait pas d'être bon, en tout cas bon musicien. Mais néanmoins, ça va être utile. Le CV de Keith Levine est extrêmement impressionnant. Il joue avec Clash, au tout début de Clash, il y est. Mais il va partir, ça ne fonctionnera pas. Ils peuvent rester amis, mais musicalement, effectivement, Keith Levine n'est pas dans le rock'n'roll, carrément pas. Il est plus nourri de progressive rock et finalement de stridence électrique qui, vous allez le voir, sont assez dominantes dans Flower of Romance. C'est aussi quelqu'un, Keith Levine, qui va être une entité grise, mais influent du punk de ses débuts, hein. Il va mettre un petit peu, il va mettre en place finalement le groupe Les Slits et même jouer avec elle. Les Slits, rappelez-vous, c'est un trio exclusivement féminin du punk et qui était assez délicieux. Et comble du comble, Keith Levine va apprendre à jouer de la basse à Sid Vicious. Oui. Sid Vicious, donc le deuxième bassiste des Sex Pistols, et puis bon, celui qui va conduire les Sex Pistols à la folie et à son clash. Pour rappel, hein, pendant une tournée américaine de 1978, Johnny Rotten, donc toujours Johnny Rotten, va partir du jour au lendemain, quitter la tournée américaine. Malcolm McLaren, l'impresario génial, mais quand même un peu filou des Sex Pistols, va décider de faire de Sid Vicious finalement l'icône qu'on connaît, jusqu'à ce que l'icône, totalement dépassée, pète les plombs. Bon, l'histoire est connue, mais elle est quand même tragique. Sid Vicious va planter un couteau et assassiner sa petite amie. Et puis, quelques semaines après, quelques mois après, se donner une overdose volontaire en prison. Enfin, overdose qu'on suppose volontaire, mais voilà. Donc voilà, fin d'un homme, création d'un mythe, mais tout ça sentait pas mal le fake. Et Johnny Rotten et Keith Levine, j'y reviens, se connaissaient depuis longtemps. Et il y a précisément un jour, de 1978 justement, où Keith Levine et Johnny Rotten se disent, voilà, écoute, le jour où ça part en couille, on va faire un groupe ensemble. Et c'est parti en couille très vite. Voilà. Bollocks, oui, les bien nommés, Bollocks. Donc, Public Image va embrayer le pas très très vite et faire oublier, tant se faire que peu, finalement, les Sex Pistols. Ce sera pas si facile que ça. Et enfin, on va arriver à ce disque anti-disque, finalement, qu'est Flower of Romance. Ce disque a été détesté, je le rappelle. Je suis très heureux, moi, depuis 1982, d'avoir eu de cesse que de le réhabiliter. Et ma foi, j'y suis parvenu, mais pas tout seul. Il y en a quand même beaucoup d'autres qui ont œuvré aussi à la reconnaissance de disques, dont aujourd'hui, d'ailleurs, personne ne va même dire oh, « c'est pas bien » ou « c'est ci, c'est cela ». Beaucoup considèrent que Metalbox est le chef-d'œuvre. C'est pas faux, hein. C'est un disque assez essentiel, on pourrait dire définitif, mais Flower of Romance arrive à éclater ça, bousculer ça. Et probablement parce que c'est un disque qui naît dans la crise. Premier fait très marquant qui va a priori amputer le disque, c'est l'absence de bassiste. Jawebel se casse. Et les tensions entre musiciens sont pas rares à ce moment-là. Ce qui fait que Keith Levin va d'autant plus prendre en main le projet. Et du coup, il va falloir un petit peu suppléer à cette absence. Et Keith Levin, qui d'ordinaire joue de la guitare, va commencer à rassembler énormément d'instruments, de briques et de brocs qui peuvent venir d'un petit peu partout. Notamment du petit matériel électronique de Roland. Ses premiers synthés, très très petits, hein, qui étaient assez peu hésités à l'époque. Et qu'elle est là dans la New Wave et la Synth Wave, qui arrive vite après, mais quand même pas dans des chants un peu rockeux, etc. L'autre facteur assez déterminant, c'est la présence de plein d'instruments de récupération aussi, des briquets de broc, donc une espèce de DIY comme ça, qui va être constitué d'instruments qui ont été achetés au puce, pas très très loin, d'instruments ethniques empruntés à droite et à gauche. Voilà. Et le tout sublimé par une extrême maniabilité, extrême facilité du studio. C'est là que finalement, il y a un nouveau membre qui va être intéressant chez eux, c'est Nick Lowney. Nick Lowney, c'est l'ingé son. Hein. C'est quelqu'un qui a bossé auprès de Kate Bush, déjà, les Gang of Four aussi, j'en oublie, Buff the Parties probablement, et puis les Killing Jokes. Donc il est là, mais en tant qu'ingé son. Mais du coup, il va avoir un rôle extrêmement important c'est de la musique concrète punk qui va naître sous ses doigts. Et Keith Levin va dire, soit coproducteur. Comme ça, il a pu donner le meilleur de lui-même et encore plus de temps sur le projet. Et chose à faire remarquer quand même, c'est que je parlais de tension, et j'y reviendrai peut-être d'ailleurs en conclusion, parce qu'on arrive au-delà de la tension, ça finit mal en fait cette histoire-là, notamment à cause d'histoires de dope, mais pas mal d'autres choses aussi. Et miraculeusement, Nick Lowney, cet ingénieur du son qui devient coproducteur, va réussir à tempérer les crises de chacun. Et du coup, faire en sorte que socialement, ça se passe pas mal, voire bien. Youpi. Autre chose à mentionner, c'est que Flower of Romance, derrière son aspect de briquet de rock, reste un disque qui a été assez coûteux et qui fait partie de ces derniers disques pour lesquels l'artiste, musicien ou le groupe a un studio offert comme ça pendant le temps qu'il veut. Ça, c'est l'apanage des 70s, si vous voulez. C'était les Pink Floyd qui pouvaient se permettre de dire « on prend Abbey Road, on reste 6 mois et on va voir ce qu'on sort ». Ou les Stones, ou Led Zeppelin, ou des choses comme ça. Un studio, ça coûte cher. Et a fortiori, squatter le studio pendant 3 mois, ça coûte très cher. Or, Virgin donne les moyens à Public Image de faire ça. Ce qui fait que l'album va se constituer dans le studio. Et sans finalement de réel a priori. Et à cause du départ précipité de Jawebel, va justement y avoir cette reconversion quasiment in extremis du disque dans ce qu'on va entendre, c'est-à-dire quelque chose d'étonnamment tribal et principalement dominé par la batterie. Et c'est là aussi qu'il faut signaler un petit peu l'importance quand même forte du batteur, c'est Martin Atkins, qui lui va rester avec Public Image d'ailleurs quelques temps. Et Martin Atkins, donc couplé à l'ingé son Nick Lowney et supervisé par Keith Levin, va donner le meilleur de lui-même, non seulement à la batterie, mais aussi par adjonction de delay, de petites électroniques, de reverse et de traitement sur la bande même du son de batterie. Vous allez voir, c'est quelque chose qui se fait comme ça, évident, dès le départ. Voilà. Alors, dans tout ça, il y a de quoi camper la base sonore parfaite pour que Lydon, donc John Lydon, qui n'est plus Johnny Rotten, qu'on se le dise, puisse poser la voix. Et ce qui est étonnant, c'est que ça se passe là très bien, avec des prises qui, pour la plupart du temps, sont complètement réussies dès la première prise et qui peuvent donner absolument libre cours au punchline de John Lydon. Et elles sont absolument étonnantes. C'est des lyrics d'une force inouïe. Là encore, le punk est mort, on n'en est plus là. Il y a notamment cette chanson quasi féministe qui intervient, où John Lydon parle de suffering suffragette et conclut sur des premenstrual tensions. Voilà, les tensions prémenstruelles des suffragettes souffrantes. Par ailleurs, il va faire rimer autruche avec ostrich. Et puis des incantations comme ça, quasi divines, et d'une perversion inouïe, parce qu'il y a un rapport avec la religion qui est évidemment extrêmement iconoclaste, et qu'il est d'autant plus ici. On entend « Amen, Amen, Amen », et même une incantation « Allah, Allah, Allah ». Et c'est d'ailleurs comme ça que ça commence. Bonne écoute, on reviendra juste après la première face, dans une douzaine de minutes, dans une quinzaine de minutes, pour ce Flora from the Public Image Limited. Under the House. C'est le morceau conclusif de la face A, donc de Flower of Romance. On y entendait hein, Martin Atkins à pleine puissance. Martin Atkins, c'est le batteur du groupe. Mais il est solidement secondé par une prise de son et par l'ingé son et coproducteur hein, finalement dans l'affaire qui va donner, hein, c'est Nick Launay qui s'exprime justement, des détruchements absolument fantastiques et plutôt inédits sur le traitement de la batterie à l'époque, hein, des délais, des décompressions totalement assumées et puis forcément ce montage et des fois cette double copie d'une piste de batterie comme on l'entendait là. Under the House, ce morceau-là était aussi intéressant. Il faisait entendre une forme de sample, mais en direct. C'est assez étonnant. C'est-à-dire qu'il y avait un opéra qui passait à la télévision. Keith Levine avait été totalement excité par le truc. Et il a posé un petit micro face au speaker. Donc, au speaker un peu rikiki de la télévision, hein, qu'on peut imaginer telle qu'elle était à l'époque, en 1980. Et enregistrait à la volée des passages de cet opéra. Et ça s'est retrouvé de facto dans l'enregistrement qu'on entendait là. Tout ça encore pour préparer le terrain à Lydon qui a posé sa voix comme ça, de facto, d'un premier jet sur ce titre-là. Et The Flower of Romance est truffé comme ça d'ingéniosité totalement fabuleuse, quoi. Il y a un instrument notamment qu'ils ont plus ou moins fabriqué à partir de récup finalement, qu'ils appelaient le violompette, donc un violon trompette. Et ça dit exactement ce que ça dit, puisque c'est un violon sur lequel on a greffé une forme de pavillon, vous savez, un petit peu comme on pouvait l'avoir dans les vieux gramophones du début du XXe siècle, quoi. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on arrive à avoir tant ce violon, notamment hein, sur le titre éponyme de Flower of Romance, mais qui sonne comme ça, comme une trompette un petit peu acide. D'autres titres, comme par exemple celui qui va ouvrir là maintenant la face B, c'est Himni, Himi, Him, oui, impossible à prononcer, ne m'en veuillez pas, qui en fait utilise un instrument en bambou, une forme de flûte un petit peu longue, mais qui avait été ramené de Bali par Richard Branson. Richard Branson, c'est le patron, c'est le boss de Virgin. Hein, Virgin Store, pour la vente des disques, et puis Virgin Records. En tant que label. Boss et fondateur, évidemment, quoi. Et je le répète, Public Image Limited sont évidemment nourris, logés par Virgin, avec un studio grassement payé qui leur a attribué pendant des semaines, même plusieurs mois, pour finaliser ce disque. Et en fait, quand il le commence, je le répète, Jawebol se barre, il n'y a pas de basse, il n'y a pas d'orientation très très précise, c'est plutôt chaotique finalement. Et le morceau qui suit est en fait peut-être inspiré finalement par hasard par la flûte qu'avait rapporté de Bali Richard Branson, c'est celui qui va donner c'est le titre pilote, on pourrait dire. C'est celui qui va donner la direction de l'album. Paradoxalement, mais c'est pas tant paradoxal que ça, c'est le morceau le moins réussi. Il est beaucoup moins envolé, il est moins acide, c'est un instrumental. Alors peut-être que l'absence de John Lydon fait cet effet-là. Il sonne un petit peu comme un générique de Game of Thrones réactualisé, si vous voulez. Une espèce d'allure héroïque fantasy, comme ça, très puissante, toujours martelée par les drums de Martin Atkins. Néanmoins, il est extrêmement capital dans la démarche de l'album, puisque c'est le titre pilier, c'est celui qui ouvre. Voilà. Et suite à cela, trois autres titres tout aussi fabuleux qui vont aller jusqu'à la conclusion de ce disque qui nous amènera maintenant dans une douzaine de minutes. Bonne écoute. ciseaux dans la bande. Waouh! C'est un vrai sabbat des sorcières. Hein. C'est quand même, je reste totalement subjugué par ce disque. Il m'a jamais quitté depuis 1982. On a des hauts, des bas, des fois, avec ses amours musicales. Celui-là, ça a toujours été au top du top. Et ça le mérite. C'est clairement le disque le plus audacieux de son temps, en tout cas dans cette catégorie-là. Quoi. Il fallait vraiment aller sinon dans des trucs vraiment ultra, ultra underground et autoproduits pour entendre finalement autant de radicalité. Et cette radicalité, elle est aussi superbement maîtrisée. C'est ça qui est assez beau. Pour la petite histoire, et ça, c'est quand même assez étonnant, la batterie hein, telle qu'elle est traitée ici par Nick Lonnay, qui était donc le co-producteur, mais initialement l'ingé son de cette aventure-là, a complètement époustouflé Phil Collins. Et Phil Collins a enregistré en fait son premier album dans la foulée, hein, Flower of Romance, hein, alors en étant aux antipodes, évidemment, de ce que peut représenter Public Image et John Lydon, et a volé Nick Lonnay comme un gesson pour son album, quoi. Donc ça en dit long. Et apparemment, Phil Collins et Phil Lydon s'étaient rencontrés et puis étaient finalement devenus plutôt copains. Qui lui dit ? Voilà, voilà. Alors évidemment, quand on signe un disque aussi fort que celui-là, quoi faire après ? Et on le sait bien, la mythologie des sommets nous raconte bien que après vient la chute. C'est effectivement ce qui va se passer. En tout cas, ça va être la chute pour cette formule de Public Image Limited. Et John Levine va prendre le large, mais pas petit à petit, en fait. John Levine faisait d'ailleurs remarquer quelque chose que je trouve assez intéressant. C'est qu'il disait, évidemment, petit à petit, et même dans la réalisation de cet album, il trouvait que Johnny Rotten commençait à prendre le pas sur John Lydon. Donc, dans cette histoire de Dr. Lydon et Mr. Rotten, il faut peut-être croire que c'est Mr. Rotten qui gagne. L'histoire le prouve assez bien, d'ailleurs, hein, puisque la suite de Public Image Limited, quand bien même, d'ailleurs, elle va être émaillée de franches réussites, hein, je pense notamment au tube This Is Not a Love Song, qui sort 2 ans après, bon, tube au demeurant, d'ailleurs, écrit par Levine, mais dont la première version ne sera pas gardée, elle sera réenregistrée en ayant complètement écarté Keith Levine cette fois-ci. Bon, ça va être un franc succès, et puis finalement un morceau qui va recentrer Public Image dans les charts et à Top of the Pop, chose qu'ils avaient définitivement quitté avec cet album-là. Mais sur scène, Public Image s'est mis à reprendre des morceaux des Sex Pistols, hein, chose qui était totalement écartée, totalement tabou au moment où Public Image Limited s'est émancipé sur les 3 premiers albums que je nommais aujourd'hui, spécialement sur celui-là. Et autre chose qui ne vous échappera pas, c'est qu'il n'y a pas si longtemps que ça, les Sex Pistols se sont reformés. Voilà, tournés pour le cash, hein, c'était le nom du projet, évidemment. Donc il n'y a pas plus punk que d'assumer finalement sa greediness, hein, comme ça, hein, son avidité. Et puis il y a même... Je pense que le punk est définitivement revenu et Johnny Rotten est définitivement ressurgi le mois dernier. Petit scandale sur les réseaux sociaux quand John Lydon, alias Johnny Rotten, apparaît en t-shirt rouge « Make America Great Again ». Et John Lydon se pose, en tout cas se donne l'image d'un supporter de Donald Trump. Donc voilà. Punk not dead, hein, comme on disait à l'époque. Hein. Sid Vicious, lui, avait des t-shirts avec la swastika nazie. Bon, aujourd'hui, en 2020, pas plus tard qu'il y a un mois, John Lydon, lui, a le t-shirt Make America Great Again. Bon, j'espère vous avoir ébouriffé avec ce disque. Il est ébouriffant, il est stupéfiant. On s'offre, ce sera court, mais autant quand même prendre un petit peu de temps pour écouter une petite bonus track de fin. Elle est très mignonne. C'est Vivienne Goldman, c'est une journaliste et auteure, mais elle était au tout début la chanteuse des 2 premiers singles des Flying Lizard, quand elle rencontre toute cette équipée Public Image. Et elle va produire avec eux un single qui s'appelle Laundrette et qui va être édité en fait uniquement très peu d'exemplaires, hein, sur une subdivision de Rough Trade à l'époque, à 500 copies, mais qui va entièrement profiter des sessions d'enregistrement de l'album Flower of Romance qu'on a entendu. Donc, Keith Levin est là-dedans. Et John Lydon est l'ambianceur un petit peu du titre. Il est mentionné comme coproducteur, mais quand bien même, on ne l'entend pas spécialement là-dessus. Voilà, c'est un joli morceau funky reggae qui va signer la fin de ce programme, dédié donc à Flower Fremont de Public Image Limited. Je vous retrouve la semaine prochaine. I wanted 10 pence for the dryer. Yes, that was how we met. My laundry bag was broken. My clothes were soaking wet. I felt I needed hugging. You needed board and lodging. I can't complain, we went down the drain. Seems like I can't get away from you. Even in the laundrette. Seems like I can't get away from you. Even in the laundrette. Now my socks are your socks in the dryer. And your jeans run into my shirt. You always were untidy. Get away.